cette fois, je m'en vais trop loin. Des chemins minés par tes soins. Non, ne me dis plus rien. Tu pourras regarder mourir les nuages. Tu pourras laisser des pleurs sur ton passage. C'est bien là que s'arrête le voyage. C'est bien là que se séparent nos visages. Comme une rivière en delta. Comme une rivière en delta. Je m'en vais trop loin. Des chemins minés par tes soins. Non, ne me dis plus rien. Cette fois, ils sont bien morts nos nuages. Cette fois, il n'y a plus de fleurs sur ton passage. C'est bien là s'arrête le voyage. C'est bien là que se séparent nos visages.